بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله. مes très chers frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver pour poursuivre ensemble, bi'idnillahi ta'ala, notre lecture de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam à partir du livre de l'imam Ismail ibn Kathir rahimahullah, qui est décédé en l'an 774 de l'Hégire. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés pendant ce mois de Ramadan et nous a permis de finir la première partie de ce livre dans laquelle l'imam Ibn Kathir a parlé du prophète alayhi salatu wassalam ainsi que de ses batailles et ses expéditions. Et dans le cours dernier, ou les derniers cours, nous avons parlé tout d'abord de la bataille dans laquelle Mecca a été conquise et devenue sous l'autorité des musulmans, et Allah Azza wa Jal a libéré son sanctuaire sacré des mains des associâtres et des païens. Et on a vu que cette bataille a eu lieu dans l'année, je parle de la conquête de Mecca, a eu lieu dans l'année 8 de l'Hégire, dans le mois de Ramadan. Et dès que la conquête de Mecca s'est terminée, après que les Mecquois qui sont entrés dans l'islam ont fait le pacte d'allégeance au prophète alayhi salam, et après avoir désigné un responsable sur Mecca, on a vu que le Nabi alayhi salam est sorti directement vers la rencontre des tribus de Hawazin dans la vallée de Hunayn. Et cette bataille également s'est terminée par une grande victoire des musulmans. Malgré qu'au début, qu'elle était en faveur des Hawazin. Et avec le courage qu'Allah Azza wa Jal a accordé à son prophète alayhi salam, et après le retour des compagnons qui avaient été surpris dans un premier temps, après le retour au combat, que les musulmans ont pu vaincre très très rapidement les Hawazin, au point où ils ont pris la fuite dans leur grande majorité. Et les croyants étaient derrière eux, et ils capturaient, et ils tuaient. Et c'était une bataille dans laquelle les musulmans ont eu un des plus grands butins qu'ils ont eu pendant le vivant de Nabi alayhi salatu wassalam. Car Hawazin, comme on avait vu, avec l'idée de leur chef et leur roi Malik ibn Awf al-Nasri, qui avait que 30 ans pourtant, son idée pour que personne ne prenne la fuite dans cette bataille et pour qu'ils combattent jusqu'au bout, il leur avait demandé de sortir leurs femmes et leurs enfants et tous leurs biens. Ils ont sorti tout leur bétail et toutes leurs femmes. Ils sont tous sortis. Et ils n'ont pas écouté ce vieil homme des Hawazin, très très expérimenté dans les batailles, dans les guerres, qui avait trouvé ça comme une très très mauvaise idée. Mais ils l'ont pas écouté. Dourayd ibn Simma, qui a été tué dans la mécréance par Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu, un des 10 annoncés au paradis. Et ainsi, les Hawazin ont été vaincus. Et on a vu qu'une partie d'eux ont fui vers la vallée de Awtas. Une troisième bataille consécutive des croyants après la conquête de Mecca, Hunayn, Awtas également. Et ceux qui ont fui vers Awtas, ils étaient 600. Les croyants ont tué la moitié et capturé l'autre moitié. Et ensuite, Nabi Issa Salam s'est dirigé directement encore une fois vers Taif, où était retranchée une partie de ceux qui ont fui la bataille de Hunayn. Ils se sont joints à Thaqif, qui ont eux-mêmes participé dans cette bataille de Hunayn, aux côtés de Hawazin. Et Nabi Issa Salam les a assiégés pendant 40 jours, comme dans les deux authentiques. Et il n'y a pas eu de victoire pour les musulmans dans ce siège. Après ce siège, les Thaqif ne se sont pas soumis et ils ont résisté. Et quand Nabi Issa Salam a vu qu'ils ont fait beaucoup de mal à ses compagnons et à son armée et qu'ils ont réussi à toucher beaucoup de compagnons et blesser beaucoup, et ils en ont tué 12 parmi les compagnons, avec leurs archers, ils jetaient les musulmans de loin aux flèches, ils lançaient des flèches de loin, et ils avaient également d'autres armes qu'ils avaient, comme on a vu, fabriquées spécialement pour cette occasion, et qu'ils ne connaissaient pas avant ces techniques. Mais ils ont envoyé des hommes parmi eux pour apprendre ces techniques afin de fabriquer des catapultes et d'autres armes qu'ils ont utilisées contre les musulmans. Ils ont tellement fait de mal aux musulmans que les musulmans, quand ils ont accepté de partir et d'arrêter ce blocus autour de Taif, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah contre Thaqif. Ils ont dit, ils nous ont fait du mal. Ils nous ont esquinté avec leurs flèches et leurs archers. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Allahumma hdi Thaqifan. Oh Allah, guide Thaqif. Et subhanallah, comme on va voir aujourd'hui, ils sont venus tous musulmans. Ils sont venus tous musulmans. Et on avait vu un point très très important, c'est que la plupart des tribus arabes attendaient de voir les résultats des batailles entre Nabi Issa Salam et sa propre tribu, qui sont les Quraysh. Car Quraysh avait occupé le summum dans le statut par rapport aux autres tribus arabes. Car les Quraysh sont les descendants directs de Ismaïl, alayhi salam. Ils avaient un statut très très élevé chez les Arabes. C'est pour ça que j'avais mentionné, je le rappelle, que c'est une erreur de dire de quelqu'un c'est un Quraishi, comme si Quraish, c'est, quand on parle de Quraish, on pense qu'à Abu Jahl et Abu Lahab. Non, Quraish, c'est déjà le Nabi Issa Salam, c'est un Quraish. Abu Bakr, c'est un Quraish. Omar, Uthman, Ali, tout ça, c'est des hommes de Quraysh. Donc, c'est une erreur. Il faut savoir que la lignée de Quraysh, c'est la meilleure lignée des fils de Adam. Après, bien évidemment, le mérite et la noblesse de l'origine ne sert à rien quand elle n'est pas accompagnée de foi et de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand il y a la foi et la soumission à Allah, c'est un mérite supplémentaire. Quelqu'un qui fait partie de la famille du prophète alayhi salam, quand c'est un croyant, imaginons qu'il a le même niveau que quelqu'un d'autre. Il aura un mérite supplémentaire par rapport à lui, car Allah l'a comblé de cet honneur et qu'il est de la famille du prophète alayhi salam. Mais être de la famille du prophète alayhi salam, et mécroire en lui, ça te sert à rien du tout. Le Nabi عليه الصلاة والسلام, yani Abu Lahab, c'est l'oncle du prophète عليه الصلاة والسلام. Et il sera éternisé en enfer, lui ainsi que sa femme. Ça leur servira à rien du tout d'être de la famille du prophète عليه الصلاة والسلام, car c'était parmi ses plus grands ennemis. Mais quand la noblesse de l'origine est accompagnée de piété et de crainte d'Allah et de foi et de soumission et d'attachement à la sunna, bien évidemment, c'est un mérite supplémentaire. Le Nabi عليه الصلاة والسلام, il a dit à sa fille Fatima radiallahu anha, il a dit, يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. Demande-moi de mes biens ce que tu veux. Je te donnerai de ce que je possède. Mais je ne pourrai rien pour toi auprès d'Allah si tu ne viens pas avec l'unicité d'Allah et avec l'attachement à la sunna et à l'islam, je ne pourrai rien pour toi auprès d'Allah. Ça, c'est le maître des fils de Adam qui dit ça à la meilleure des femmes du paradis, ou au moins une des meilleures des femmes du paradis, en respectant la divergence sur ce point. Donc, on a parlé de Hunayn, Awtas, et puis on a parlé de la bataille de Taif, ce siège qui a duré 40 jours et au bout duquel les Thaqifs ne se sont pas soumis, mais ils ont résisté. Et on a vu que le chef de Hawazin, Malik ibn Awf al-Nasri, qui a mené la bataille contre le Nabi عليه الصلاة والسلام dans Hunayn, il est entré dans l'islam. Et c'est lui qui combattait les Thaqifs, les gens de Taif. C'est lui qui les combattait jusqu'à leur entrée dans l'islam. Et on a vu que le Nabi عليه الصلاة والسلام n'a pas voulu partager les butins de Hawazin. Il n'a pas voulu partager les butins et il espérait qu'ils allaient venir muslimines. Et si vous vous rappelez, les muslimines ce jour-là, ils ont eu 6000 parmi les femmes et les enfants de Hawazin comme prisonniers de guerre. Et ils ont eu beaucoup de chameaux et beaucoup de brebis. Les brebis, c'était plus de 40 000. Et les chameaux, plus de 24 000. Et d'autres biens que Nabi عليه الصلاة والسلام a gardés. Et il est resté quelques jours à Al-Jirrana, là où il avait laissé tout le butin de Taif, de Hawazin. Et effectivement, ils sont venus muslimines. Et le Nabi عليه الصلاة والسلام leur a rendu, il leur a donné le choix entre leurs biens ou leur famille. Les femmes et les enfants, ils ont choisi leur famille. Et certains compagnons, uniquement deux, avec leur tribu, ils n'ont pas voulu rendre les prisonniers de guerre. Et quand le Nabi عليه الصلاة والسلام, quand il a rendu ce qui lui appartenait à lui ainsi qu'à toute sa famille, il leur a dit, venez me voir dans la mosquée et demandez-moi et je vais vous donner tout ce qui m'appartient de vous, ma part dans le butin ainsi que la part de toute ma famille, tous les Bani Abdul Muttalib. Et demandez-moi ça devant les gens, comme ça les gens, ils vont vous rendre à vous aussi. Ils vont me suivre. Et effectivement, tous les compagnons ont fait comme ça. Toutes les tribus arabes qui ont participé. Et ils étaient 12 000. Excepté deux compagnons avec leur tribu. Les deux compagnons, les chefs de ces deux tribus, qui sont Al-Aqra ibn Habis et Uyayn ibn Hisn, radiallahu anhuma, ils ont voulu garder leurs prisonniers. Et n'ont pas voulu les donner. Et c'était leur droit. Car ils étaient, Hawazin ont combattu. Ils auraient pu tuer le muslimin. Et Nabi عليه الصلاة والسلام, quand il a vu ça, il leur a dit, vous leur donnez leurs prisonniers et je vous remplace ce que vous avez donné. dès le prochain butin. Et là, ils ont accepté. Et on sait, il faut qu'on se rappelle que Hawazin, c'est la famille de Halima Sa'diya, la nourrice du prophète, alayhi salam, la femme qu'il a allaitée des Banu Sa'd, Ibn Bakr. Ça, c'est une tribu parmi les tribus de Hawazin. C'est pour ça que quand ils sont venus, ils lui ont rappelé cela. Et subhanallah, parmi les prisonnières de guerre, il y avait sa sœur d'allaitement, Shayma, la fille de la femme qu'il a allaitée, Halima Sa'diya. Et Nabi alayhi salam l'a reconnue par la suite. Il ne l'a pas reconnue au début, mais il lui a demandé un signe et elle lui a rappelé quelque chose qui s'est passé entre lui et elle pendant sa jeunesse, quand il était chez eux, et il s'est rappelé d'elle. Radiallahu anha, c'était sa sœur d'allaitement. C'est sa mère qui a allaité le prophète alayhi salam, et il l'a libéré, il l'a honoré, il lui a donné beaucoup de biens, et elle a choisi de retourner dans sa tribu, il l'a laissé partir dans sa tribu. Également, c'est dans ce partage de butin qu'il y a eu l'histoire de la tête de Tekfiriyin et de l'Khawarij, qui est Dhul Khuwaysira, At-Tamimi, son nom c'est Hurqus. Celui qui s'est opposé au partage de butin qui a été fait par le prophète alayhi sallam. Car le prophète alayhi sallam, il a utilisé ce butin pour faire la da'wah. C'est pour ça qu'il a donné beaucoup à des hommes qui étaient encore dans la mécréance. Il a donné beaucoup à des hommes qui étaient nouveaux dans l'islam. Ils venaient d'entrer dans l'islam avec la conquête de Mecca pour les renforcer et les raffermir dans l'islam. Et on a vu les résultats que ça a fait chez ces hommes, au point où Safwan ibn Umayya, tellement le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a donné, il a dit, il ne peut donner avec autant de générosité qu'un prophète. Et il a cru en lui. Mais cet homme, wal'iyadu billah, il s'est opposé à ce partage et il n'a pas tenu compte de la sagesse qui a été respectée par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le partage. Et en plus, yani, de ne pas avoir compris ses sagesses, il a fait preuve d'un très très mauvais comportement, et il a dit, ô Muhammad, et ça c'est le signe des bédouins. Il s'adresse au prophète, et ils lui disent pas au messager d'Allah. Il a dit, ô Muhammad, sois juste. Et il a dit, ton partage, c'est un partage. Et ça, il l'a pas dit directement devant le prophète alayhi sallam, mais c'est un compagnon qui est venu dire ça au prophète alayhi sallam, il l'a entendu. Il lui a dit, ton partage, c'est un partage avec lequel on n'a pas voulu la face d'Allah. Yani, il a accusé le Nabi alayhi sallam de ne pas être équitable, et il l'a accusé même dans son intention, et que son partage n'était pas un partage avec lequel le prophète alayhi sallam chercher la satisfaction d'Allah et l'agrément. C'est-à-dire, il n'était pas sincère dans ce partage. Il a favorisé les siens, les Quraysh. Ce que cet homme prétendait, wal'iyadu billah. Omar radiallahu anhu voulait le tuer. Nabi alayhi sallam ne lui a pas dit non, car il le mérite. Mais Nabi alayhi sallam a dit, ne le fais pas, car les gens vont penser que Muhammad sallallahu alayhi sallam tue ses compagnons. Donc il y a un mal plus grand que le mal qui a été fait par cet homme, qui est que les gens pensent, les Arabes, les Arabes, les Bédouins, quand ils entendent ça, ils peuvent croire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam tue ses compagnons. Car cet homme, dans l'apparence, il est avec les compagnons. Et dès que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fini le partage de ce butin, il a donné à tout le monde ce qui convenait de donner avec une grande sagesse, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait une umrah de ce même endroit qui s'appelle Jirrana. Il a fait l'umrah, il est parti à Mecca, et ça c'était son troisième umrah, comme on a vu, et il est parti directement fil Medina après son umrah. Il a laissé comme responsable sur Mecca Attab ibn Asid radiyallahu anhu. Et après ça, on a parlé de Ghazwat Tabouk, la bataille de Tabouk. qui s'est fait appeler également Ghazwat al-Usra, c'est-à-dire une bataille qui s'est déroulée dans des conditions très très difficiles et pénibles. Une grande année de pauvreté et de sécheresse et de disette et de famine chez les compagnons radiallahu anhum. Et une année où il a fait extrêmement chaud, où il a commencé à faire chaud, au moment où ils allaient sortir, car ils sont sortis dans le mois Rajab. Et il faisait extrêmement chaud, et Nabi alayhi sallam, en plus, il va sortir pour aller jusqu'à Tabouk, jusqu'à Sham, très très loin. Et ils avaient très très peu de provisions, comme on a vu, beaucoup d'entre eux, ils se contentaient de sucer les noyaux de dattes et de boire de l'eau par la suite. Et dans ces difficultés, les compagnons sincères sont sortis. On a vu que le munafiqin, comment ils se sont comportés, et que beaucoup d'entre eux, plus de 80, ne sont pas sortis. Ils ont demandé des excuses. Et parmi les excuses, que j'ai cité, on a cité plusieurs excuses, mais je vous rappelle juste celle-là de ce munafiq qui a prétendu qu'il était faible vis-à-vis des femmes et que là ils vont aller vers Rome, les Romains, et la beauté de leurs femmes et tout ça, et qu'il avait peur de ne pas résister à tout ça. C'est pour ça qu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas le tenter en le faisant sortir vers ces endroits dans lesquels il y a ces très très belles femmes, et en plus lui c'est un homme qui ne résiste pas aux femmes, et Nabi alayhi sallam a accepté d'eux ce qu'ils ont montré en apparence. Il y a de l'homme, on a vu, qui s'appelle Al-Jadd ibn Qais, et c'est le seul homme parmi ceux qui sont sortis dans le pacte de l'Hudaybiya qui n'a pas fait le pacte d'allégeance au prophète alayhi sallam. Il s'est caché derrière sa monture. Et c'est un hypocrite, connu par l'hypocrisie. Allah Azza wa Jal, on a vu qu'il a reproché au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur avoir autorisé de ne pas sortir avec lui et de les avoir excusés. Sinon, les croyants sincères sont sortis avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et on a vu qu'une autre partie de ces croyants sincères qui étaient tellement pauvres et qui ne trouvaient pas de monture ni de provisions pour sortir, et qu'ils ont pleuré, comme Allah les a décrits dans le Coran, et qu'ils étaient excusés. Et on a vu que Nabi alayhi sallam, quand il a incité ses compagnons à participer dans l'équipement de cette armée, on a vu tout ce qu'a donné Uthman ibn Affan, au point où Nabi alayhi sallam a dit « Rien ne nuira à Uthman après ce qu'il a fait aujourd'hui. » Il a donné 1000 pièces de d'or, 1000 dinars, 1000 chameaux, 100 chevaux, et il a équipé les hommes qui ont pris ces montures, comme ils disent, il les a équipés de A à Z. Il ne leur manquait rien. C'est lui qui s'est occupé de tout ça. Le Nabi alayhi sallam a dit, ma darrabna affana, ma amila ba'da al-yawm. Rien ne nuira à Uthman ibn Affan après ce qu'il a fait aujourd'hui. Radiallahu anhu. Et on a vu que le munafiqin qui critique les croyants dans tous les cas, ils ont critiqué ceux qui ont donné beaucoup. Ils ont dit c'est des gens qui ont de l'ostentation. Et ils ont critiqué ceux qui ont donné très peu, car c'est tout simplement ce qu'ils avaient. Ils ont dit qu'est-ce que Allah a à faire de cette petite sadaqa. Là, il y a des compagnons qui ont ramené quelques dattes. Une poignée ou une demi-poignée, c'est tout ce qu'ils avaient pour aider dans cette bataille. Et Allah a accepté d'eux. Et on a vu que ce sahabi, qui n'avait rien à donner, et qu'il a fait une sadaqa avec son ird. Ceux qui ont parlé de lui et qui ont dit du mal de lui, il leur a tous pardonné. Ce jour-là, le Nabi alayhi sallam l'a informé qu'Allah a accepté sa sadaqa. qu'Allah a accepté son aumône. Et on a vu également dans cette bataille les quatre compagnons qui ne sont pas sortis malgré que c'était des compagnons sincères. Trois, ils sont pas sortis. Ils se disaient, demain je rejoins l'armée, demain, jusqu'à ce que Nabi Islam est revenu de Tabouk. Mais le quatrième, finalement Allah lui a permis de rejoindre l'armée et Nabi Islam a demandé à Allah de lui pardonner son retard. Les trois autres, c'était des croyants sincères qui ne sont pas sortis et Nabi Islam a ordonné de les boycotter malgré qu'il a dit que ceux-là, il a fait exception d'eux, de tous les autres hypocrites. Il a dit ces trois-là, ils ont dit la vérité. Mais boycottez-les jusqu'à ce qu'Allah fasse descendre leur repentir. Et on a vu que cette erreur et cette épreuve qu'ils ont traversée s'est transformée en un des plus grands mérites pour ses compagnons. Parmi eux, il y a Ka'b ibn Malik, et je vous ai invité à lire son histoire dans un hadith très lent qui est rapporté dans les deux authentiques, et vous pouvez le trouver également dans Riyad Salihin, dans le chapitre du repentir, le premier hadith, Wallahu alam, de mémoire, que Nawawi rahimahullah a cité dans Riyad Salihin. Voilà par rapport à ce qu'on a vu pour poursuivre aujourd'hui. Et on a parlé également de cette année, après le retour de Nabi Isa al-Salam, et dans le mois de Ramadan, de l'année 9 de l'Hégire, Nabi Isa al-Salam a commencé à recevoir les délégations des tribus arabes qui venaient annoncer leur islam au prophète alayhi salatu wassalam. Et il choisissait quelques-uns parmi eux pour informer Nabi alayhi salam de cela. Donc cette année, ça s'est appelé l'année des émissaires, de l'Oufoud, ou des délégations. L'année des délégations. Dans laquelle il y a eu une affluence d'émissaires et des délégations des tribus arabes qui sont venus tous annoncer leur islam. L'imam ibn Kathir, bien évidemment, les délégations que Nabi alayhi salam a reçues, elles sont supérieures à 100 délégations. Et chacune représentait une tribu ou plus. Nabi alayhi salam a reçu plus d'une centaine de délégations que Ibn Sa'd rahimahullah dans Tabaqat a énuméré. Ici, l'imam Ibn Kathir, il a cité quelques délégations parmi les plus connues. Il a cité la délégation de Thaqif, justement parce que c'est en lien avec la dernière bataille qu'a menée le prophète alayhi sallam, dans laquelle il a assiégé la ville de Taif, la tribu de Thaqif. Donc, la délégation de Thaqif sont arrivés dans le mois de Ramadan de l'année 9 de l'Hégire. Et ils ont annoncé leur islam. Et la cause de l'islam de Thaqif, c'est que leur maître, Urwa ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, était venu voir Nabi Isa al-Salam après la fin du siège de Taif et la bataille de Hunayn. Il a rejoint Nabi Isa al-Salam sur sa route vers le Médina. Il l'a rattrapé sur la route. Il lui a annoncé qu'il était entré dans l'islam. Et il a demandé l'autorisation au prophète alayhi sallam de retourner dans sa tribu, Thaqif, afin de les appeler à l'islam. Nabi alayhi sallam lui a autorisé, tout en craignant qu'il le tue. Et quand il est rentré, il a insisté. Quand il est rentré, et il leur a fait da'wah, ils l'ont tué, il est rapporté qu'il a été enterré avec les martyrs de la bataille de Taif. Après avoir tué leur maître, juste parce qu'il est entré dans l'islam, il les a appelés à l'islam, plus tard ils ont regretté. Ils ont regretté leur acte, et en plus ils ont réalisé que c'était impossible de faire face aux musulmans et de leur résister. C'est pour ça ils ont décidé d'entrer dans l'islam et ils ont envoyé cette délégation composée de 6 hommes. Et quand ils sont arrivés fil Medina, dans le mois de Ramadan, le premier qui les a aperçus, c'est le Mughira ibn Shu'ba, al-Thaqafi, radiyallahu anhu. Donc ça, c'est un parmi les compagnons très très connus, qui s'appelle Mughira ibn Shu'ba, radiyallahu anhu. Et il est de Thaqif également. Mais lui, il était entré dans l'islam bien avant. Il était entré dans l'islam vers la bataille de Al-Khandaq. Yani bien avant les deux batailles de Hunayn et de Taif. Et quand il les a vus, bien évidemment, Al-Mughira ibn Shu'ba, radiyallahu anhu, c'est un compagnon qui fait partie des hommes les plus intelligents des Arabes, qui étaient connus pour leur savoir-faire et leur intelligence et leur ruse dans le bien. Mais c'était des gens, des hommes. Yani, les savants en général citent Al-Mughira ibn Shu'ba et citent Amr ibn al-As et citent Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhum. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam, dès que Muawiyah est entré dans l'islam, il lui a donné des grandes responsabilités. Parce qu'il savait, yani, le savoir-faire qu'il avait radiyallahu anhum. Et Al-Mughira ibn Shu'ba, également, il était comme ça, radiyallahu anhu. Au point où il disait, si une ville était assiégée, yani, ou là, si une ville était tellement protégée, ayant 8 portes, et toutes les 8 portes, sont extrêmement bien protégés, afin que personne ne puisse sortir de cette ville. Ils ont dit, Al-Mughira radiyallahu anhu aurait pu sortir de la porte qu'il souhaite, avec facilité, aisance. Et l'imam Malik a rapporté que Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu est un homme, yani c'est lui qui duquel s'est rapporté yani cette parole que l'imam Malik a rapportée. Yani c'est un homme qui se mariait beaucoup, le Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, et c'est lui qui disait, celui qui a une seule femme, quand elle est malade, il devient, lui aussi il est malade. Quand elle a sa période de menstrue, lui aussi il a sa période de menstrue. Et celui qui a deux femmes, il est entre deux feux. Et celui, sa parole, elle s'arrête là. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il disait, celui qui se marie avec plus de deux femmes, après, il se repose. Il y en a, quand il n'y a que deux femmes, il y a la concurrence. Voilà, juste quelques points concernant le Mughira ibn Shu'ba, radiyallahu anhu, qui a été choisi par Muawiyah ibn Abi Sufyan comme émir sur la région de Kufa, en Irak. Et on va voir un point de son intelligence, radiyallahu anhu, dans un point qui est en lien avec Tawhid. Donc les Thaqif ont décidé d'entrer dans l'islam, ils ont envoyé ces 6 hommes, et dès que le Mughira radiyallahu anhu les a vus, il est parti vers eux. Il les a reconnus, c'est sa tribu, c'est les siens. Et il les a conduits directement vers le Nabi alayhi salatu wassalam. Et il leur a enseigné sur le chemin comment passer salam au prophète alayhi salatu wassalam. Et il était avec Abu Bakr radiyallahu anhu Siddiq. Mais il est parti plus vite et plus rapide que cette délégation. Il est arrivé chez le Nabi le premier et il lui a annoncé cette bonne nouvelle comme quoi sa tribu sont venus pour annoncer leur islam. Et Nabi alayhi sallam les a accueillis dans la mosquée et il leur a mis une tente dans la mosquée. Et le responsable de cette délégation de Thaqif était Khalid ibn Sa'id ibn al-As. Et Nabi alayhi sallam le renvoyait à chaque repas, il leur envoyait à manger dans leur tente. Et ils ne mangeaient jusqu'à ce que Khalid ibn Sa'id ibn al-As mangeait, radiyallahu anhu. Khalid ibn Sa'id ibn al-As, c'était celui qui faisait l'intermédiaire entre eux et le prophète, alayhi salatu wassalam. C'est un compagnon. Lui, il n'est pas de Thaqif, mais c'est lui qui faisait l'intermédiaire entre eux et le Nabi alayhi salatu wassalam, et c'est lui qui le ramenait à manger également. C'est pour ça qu'ils attendaient qu'il mange, lui déjà, après ils mangeaient eux. De crainte qu'il y ait quelque chose dans le manger. Et ils sont entrés dans l'islam, et ils ont voulu mettre des conditions au début. La première condition qu'ils avaient essayé d'imposer, c'est de ne pas se débarrasser de leur idole tout de suite. Et l'idole qu'ils avaient à Thaqif, c'était Lat, qu'Allah Azza wa Jalla a cité dans Sourate An-Najm. أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Lat, dont son nom est dérivé du nom Allah. L'Uzza, son nom est dérivé de l'Aziz. Et Manat, son nom est dérivé de Al-Mannan. Donc ils ont voulu mettre cette condition. Ils avaient peur que des mauvaises réactions des gens. Ils ont dit au messager d'Allah, on accepte l'islam, mais à condition que tu nous laisses garder cette idole le temps de que les gens s'habituent et tout ça, et après on la démolit. Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté cette condition d'eux. Ensuite, ils lui ont demandé une autre condition. Quand il n'a pas accepté de celle-là, ils lui ont dit au messager d'Allah, alors, yani, on te demande un allègement par rapport aux salawat. 5 salawat par jour, c'est un peu beaucoup pour nous. Yani, surtout, on commence et on entre dans l'islam, on te demande un allègement. Là également, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté de cette condition. Et ensuite, ils ont dit, alors au messager d'Allah, nous te demandons de nous excuser de démolir cette idole. Mais envoie-toi des hommes pour la démolir. Nous, on peut pas le faire nous-mêmes. On veut pas le faire nous-mêmes. Et ça, Nabi alayhi sallam, cette condition, Nabi alayhi sallam l'a accepté d'eux. Il a accepté d'eux cette condition. Et c'est rapporté dans d'autres versions qu'ils avaient demandé un allègement et qu'ils ne payent pas zakat tout de suite et qu'ils ne participent pas dans le combat, dans le sentier d'Allah tout de suite. Il est rapporté que Nabi alayhi sallam a accepté d'eux et il a dit aux autres compagnons, attendez voir, une fois qu'ils vont entrer dans l'islam, ils vont donner zakat, ils vont participer dans le combat, dans le sentier d'Allah. Mais ce que l'imam Ibn Kathir a cité, c'est jusqu'au point où Nabi alayhi sallam a accepté d'eux que ce soit pas eux qui détruisent direct eux-mêmes leur idole. Et que Nabi alayhi sallam charge d'autres de ses compagnons de cela. Et ça, Nabi alayhi sallam l'a accepté d'eux. Il a envoyé avec eux Abu Sufyan, Sakhr ibn Harb, radiyallahu anhu. Il vient d'entrer dans l'islam, avec la conquête de Mecca. Il a envoyé avec eux également le Mughira ibn Shu'ba, qui est de leur tribu, et qui est ce compagnon, comme on a vu, extrêmement intelligent. Ils sont partis tous les deux avec d'autres hommes pour détruire l'idole de Thaqif, qui s'appelle Lat. Et quand les femmes de Thaqif ont entendu que Lat allait être démolie, elles ont paniqué. Et elles ont cru que les gens là-bas allaient être touchés par un malheur, parce qu'ils vont faire du mal à cette divinité, cette fausse divinité, bien évidemment. Et le Mughira ibn Shu'ba, radiyallahu anhu, il s'est moqué d'eux. il leur a fait un piège en complicité avec Abu Sufyan radiallahu anhu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu jusqu'à devant l'idole et il a commencé à la démolir et ensuite il est tombé comme mort. Il a fait semblant qu'il était mort afin de leur faire croire que leur idole lui a fait du mal. Et eux, c'est ce qu'ils pensaient. Qu'une idole comme ça, elle va se défendre. C'est une divinité. Elle va yani, se défendre en faisant du mal à celui qui veut lui faire du mal et la démolir. Et au début, ils ont cru que c'était vrai. Qu'il a été touché par un malheur à cause de ce qu'il avait fait, à savoir la démolition de cette idole. Et ensuite, quand ils ont cru que c'était vrai, il s'est levé et il les a réprimandés, il les a blâmés. Et c'est là où ils ont réalisé que cette divinité ne vaut rien et que c'était qu'une fausse divinité. Et ils sont entrés dans l'islam et leur islam était bon. Ensuite, sur les six qui sont venus de Thaqif, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a choisi un qui va être leur imam et qui va les diriger dans la salat. Et c'était le plus jeune d'entre eux, qui s'appelle Uthman ibn Abi al-As, radiallahu anhu. S'appelle Uthman ibn Abi al-As, radiallahu anhu. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a choisi malgré son jeune âge, parce qu'il a vu qu'il avait mémorisé beaucoup de Coran pendant la période qu'il a passée avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il était très très attaché à l'apprentissage. Donc il l'a choisi comme le responsable, et c'est lui qui allait les diriger dans la salat. Et quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a donné cette mission, il a expliqué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est important, ça concerne ceux qui entrent dans l'islam, il a expliqué au prophète sallallahu alayhi wa sallam que depuis qu'il est entré dans l'islam, qu'il souffrait d'une douleur dans le corps. Et ça arrive beaucoup à nos frères et sœurs qui entrent dans l'islam. Yani, depuis son islam, il a dit qu'il avait une douleur dans le corps. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné, il lui a fait une ruqya tout d'abord, et ensuite il lui a enseigné de poser sa main sur l'endroit qui lui fait mal de son corps, sa main droite, et de dire trois fois Bismillah, Bismillah, Bismillah, et ensuite de dire cette fois A'udhu billahi wa qudratih min sharri ma ajidu wa uhadhir, de la répéter cette fois. Vous la trouvez dans la citadelle du musulman. Et il a dit que depuis qu'il a fait ça, il n'avait plus cette douleur. Et il s'est plaint également d'une waswasa, que ça lui arrivait dans sa salat de ne pas savoir combien il a prié. Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu dis A'udhu billahi minash shaitan irrajim et tu postillonnes à ta gauche trois fois quand ça t'arrive et ça va partir. Et effectivement, il a dit que ça a disparu et qu'il a plus eu ça une fois qu'il a commencé à appliquer ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné. Et vous voyez que Sahaba radiallahu anhum, de manière générale, quand ils mettent en application une invocation, ça donne tout de suite ses fruits. Et ça donne ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il lui a dit, fais ça, ça va disparaître. Il l'a fait, ça a disparu. Ihna, on fait, et ça disparaît pas. Allah nusta'an, illa man rahim Allah. Et ça a beaucoup de causes. Parmi les causes, le manque de certitude. Le manque de certitude, ضعف اليقين. Et que nous, souvent, on fait par essai. On essaye, on expérimente. Alors que Sahaba, non, ils ont la certitude. Quand il fait, il sait que ça va être comme ça. Et la certitude, c'est une condition d'exaucement. C'est une condition d'exaucement. Et Nabi alayhi salam lui a dit également, une fois qu'il arrive chez les siens, c'est lui qui va être leur imam, et il lui a dit, choisis un homme qui, pour faire l'appel à la prière, mais à la condition que ce soit un homme qui prend pas de salaire pour l'adhan. De ce hadith, il y a des savants qui disent qu'il n'est pas autorisé de manière absolue de prendre un salaire pour le muadhdhin. Et il y a des divergences entre les savants, mais la plupart disent que c'est autorisé, mais c'est meilleur de ne pas prendre de salaire. Et Nabi alayhi salam a reçu beaucoup de délégations pendant cette année. Certains, il les avait reçus bien avant. Donc l'imam Ibn Kathir, il a cité que cette délégation. Je vais vous en citer quelques-unes d'autres, yani de ces délégations que Nabi alayhi salam a reçues. Parmi les délégations, parmi les premières qu'il a reçues, la délégation de Muzayna. Ils étaient 400 hommes à peu près qui sont venus pour annoncer leur islam au prophète, mais ils sont venus dans l'année 5 de l'Hégire. Parmi les délégations également, la délégation de Abdou Qais. Et parmi eux, il y avait un compagnon très connu qui s'appelle Ashajou Abdi Qais. Nabi alayhi salam a fait son éloge. L'éloge de son indulgence et de sa patience. Et lui a dit, en toi, il y a deux qualités qu'Allah aime. As-sabr wa al-anat. La patience et l'endurance. Et le fait de ne pas se précipiter dans les choses, dans les affaires. Al-anat. Et Ashaj ibn Abd Qais radiyallahu anhu, il a dit au prophète alayhi salam, est-ce que ces deux qualités, c'est moi qui les a acquis, ces deux bons comportements, est-ce que c'est moi qui les a acquis, ou c'est Allah qui les a mis en moi? Il lui a dit, c'est Allah qui les a mis en toi. De là, les savants ont pris que le bon comportement est de deux catégories, acquis ou inné. Et celui qui a acquis est plus méritoire, est plus récompensé. Parce que le bon comportement, quand c'est inné en toi, c'est un don d'Allah. T'as pas fait d'effort. Contrairement à quelqu'un, par exemple, si on prend un mauvais comportement qui est l'avarice, et le bon comportement, c'est la générosité, quelqu'un qui est avare à la base, de nature avare, et qui fait des efforts pour donner, fi sabilillah, il aura plus de récompense que d'autres, yani, il trouve beaucoup de facilité à faire sadaqa de nature, il est comme ça. Et tu le trouves même peut-être comme ça avant l'islam. Mais ce qui est malheureux et ce qui est grave, c'est que certains de nos frères, chez lesquels on peut trouver des qualités avant qu'ils se réforment et avant qu'ils se conforment à la sunna, mais dès qu'ils rentrent dans la sunna et Allah lui permet de connaître la sunna, Il adopte des comportements qu'il n'avait pas avant sa réforme. Et ça, c'est grave. Tu le trouves, il est doux, il est gentil, il est agréable, il est souriant. Mais dès qu'il rentre, Allah, il le guide dans la sunna, il fait plus de sourire à sa mère, ni son père, il devient dur. Alors qu'il n'était pas comme ça. Et subhanallah, cette expression que certains parents prononcent, ils disent, mon fils, avant de laisser pousser sa barbe, il était meilleur que depuis qu'il a laissé pousser sa barbe. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux pour nous. Il faut qu'on fasse attention à notre comportement. Car l'awam, il ne voit rien de toi. Il ne connaît pas l'aqida, lui. Il ne connaît pas sunna al-bid'a. L'ami, il connaît ton bon comportement. Et si tu as un bon comportement, bi'idhnillah, tu vas être la cause d'un bien pour lui. Et si tu as un mauvais comportement, peut-être que tu seras la cause de son éloignement de la sunna. Et ça, c'est très grave. Très, très grave. Il y a beaucoup parmi nous qui ne font da'wah à personne, et en plus, on repousse les gens de la sunna. Faut qu'on soit vigilants mes frères et qu'on fasse attention à notre comportement. Et surtout avec l'ammi. Parce que l'ammi c'est une victime de shayatin. Il lui donne plus de waswas que les autres. Quelqu'un qui lui fait ni adhkar sabah, ni adhkar al-masa, ni l'adhkar avant de dormir, qui connaît pas tawhid, qui connaît pas sunnah, celui-là il est plus fragile. Et il est plus facile pour shaitan de le travailler. Donc quand tu lui passes pas salam par exemple, en vous citant des choses que j'ai vécues avec certains de mes frères, quand tu passes pas salam à un ami, Shaitan il vient et lui dit, peut-être qu'il te rend mécréant. Et il voit que quand toi, Salafi, tu croises un autre frère Salafi, t'es souriant, t'es hadi, mais quand tu croises ce ami, il n'y a pas de sourire et souvent il n'y a pas de salam. Donc il pense que tu le rends mécréant. C'est pour ça, il faut qu'on fasse plus d'efforts avec ceux qui n'ont pas été guidés dans la sunna encore. Et leur montrer le comportement de l'islam et le comportement du prophète de l'islam et le comportement des compagnons radiyallahu anhum. Et le fait que t'entendes qu'avoir un bon, avoir un mauvais comportement, ça ne te fait pas sortir de la sunna, ça veut pas dire que tu dois prendre le bon comportement à la légère et que tu ne dois pas accorder une importance maximale à perfectionner ton comportement et à l'améliorer. Et le bon comportement, ça se perfectionne et ça s'améliore avec les textes, mais aussi avec la bonne fréquentation, de fréquenter des gens à qui Allah a donné un bon comportement et de t'éloigner des gens qui ont des mauvais comportements. Donc ça, c'est l'histoire de Hajj Abd al-Qais. Également, cette année, sont venus les Banu Hanifa, la tribu de Musaylim al-Kadhdhab. Cet imposteur qui a prétendu être un prophète. Et lui, avant de prétendre être un prophète, il est venu avec un grand nombre de sa tribu. Ils étaient très très nombreux. Et il a voulu faire un pacte avec le prophète, alayhi sallam. Il lui a dit, on va te suivre, mais tu vas me désigner comme successeur. Ton successeur. Bien évidemment, le Nabi Issa salam, il n'a pas accepté ça. Il n'y a pas de succession dans la prophétie. Tu veux l'islam, t'es le bienvenu. Tu veux pas, t'as le choix. Le Nabi Issa salam a refusé cette condition et il a menacé cet homme. Il n'a pas parlé longtemps avec lui. Il a demandé à un compagnon de parler en son nom avec lui. Et il lui a dit, par Allah, si tu me demandes, yani une petite pièce, je te la donnerai pas. Et Nabi Issa salam l'a menacé. Et quand Musaylim al-Kadhdhab avec sa tribu sont repartis, Abu Huraira radiallahu anhu a interrogé le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit au messager d'Allah, t'as refusé sa demande, t'as dit que peut-être c'est lui l'homme qu'Allah t'a fait voir. Qu'est-ce que tu voulais dire par ça? Il lui a dit, j'ai vu dans un rêve deux bracelets que j'avais dans les mains en or. Et bien évidemment, les bracelets en or sont interdits pour les hommes. Dans Dunya. Et c'était difficile pour Nabi alayhi salam de voir sur lui des choses interdites dans ce rêve. Et ça a été une cause de tristesse dans le rêve. Allah lui a révélé pendant ce rêve de souffler sur ses deux bracelets et qu'elles vont sauter. Et effectivement, c'est ce que Nabi alayhi salam a fait. Et il a interprété ces deux bracelets par deux hommes qui vont prétendre être des prophètes, tous les deux. Des imposteurs, le premier c'est Mousseïlim al-Kaddab qu'on a vu, qui a été tué par Wahshi, celui qui a tué Hamza radiallahu anhu, l'oncle du prophète alayhi sallam, le lion d'Allah. Il a tué le grand ennemi d'Allah, Mousseïlim al-Kaddab également. Et le deuxième c'est Al-Aswad al-Ansi. Al-Aswad al-Ansi, il a prétendu également être un prophète et au Yémen. Et les gens du Yémen l'ont combattu, ils l'ont tué avant l'arrivée d'une armée qu'avait envoyée Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu quand il était devenu calife après le prophète alayhi sallam. Les Yéménites, les muslimines, avaient tué Al-Aswad al-Ansi avant l'arrivée de cette armée qui était sortie spécialement pour Al-Aswad al-Ansi. Et sont venus d'autres tribus, également parmi les délégations, la délégation des Banu Amir. À leur tête, il y avait un homme qui s'appelle Amir ibn Tufail. C'était le chef de cette tribu. Il est venu, il a dit au prophète alayhi sallam, je te donne le choix entre trois choses pour que j'entre dans l'islam. La première, c'est que toi tu gouvernes les gens de la campagne et moi je gouverne les gens des villes. La deuxième, si tu refuses, alors tu me désignes comme ton successeur. La troisième, si tu refuses les deux, alors je viendrai avec tous les Banu Ghatafan et ça sera le combat entre moi et toi. Et Nabi alayhi sallam a refusé toutes ces conditions et il est reparti et il était dans la maison d'une femme quand il est arrivé chez lui, la maison d'une femme, et il a pris un coup mortel, comme ça, lui seul. Et à cause de la fierté, il s'est dit, comment un homme comme moi, il va mourir comme ça, dans la maison d'une femme. Et il leur a demandé de lui sortir son cheval, il est monté à cheval, et il est resté jusqu'à ce qu'il est mort sur son cheval. Il est mort sur son cheval. Également sont venues les délégations de Daous. Daous, c'est la tribu de laquelle vient Abu Huraira radiallahu anhu. Mais le premier qui était venu de cette tribu, c'est Tufayl ibn Amr. Allah alam, je pense qu'on a déjà parlé de lui. C'est lui, cet homme qui était très très intelligent, très, entre parenthèses, intellectuel, bien instruit, et il savait dire des poèmes, il connaissait les sagesses de Luqman. Il est venu et Quraysh l'avait mis en garde au début. Ils lui ont dit, attention, n'écoute pas cet homme, c'est un sorcier. Si tu l'écoutes, il va t'ensorceler. Et il faisait tawaf, et il les avait écoutés, il avait mis du coton dans ses oreilles. Afin de ne pas écouter le messager, alayhi sallam. Il faisait tawaf. Mais Allah, Azzawajal, a voulu qu'il écoute Nabi, alayhi sallam. Il a entendu quelque chose de Nabi, alayhi sallam, et ça lui a plu. Il s'est dit, moi, je suis un homme intelligent dans ma tribu. C'est moi qui leur montre le bien du mal. Et comment ça, l'homme, il va me raconter des choses et il va m'égarer. Il a décidé d'écouter le Nabi alayhi sallam. Et avant de l'écouter, lui, il a dit au prophète alayhi sallam, je vais te faire écouter des sagesses que je connais. Et il lui a cité quelques-unes des sagesses de Luqman. Le Nabi alayhi sallam lui a dit, ça c'est un bien. Mais dans ces sagesses, il n'y avait pas de tawhid. Il n'y avait que le bon comportement et les choses comme ça. Nabi alayhi sallam lui a dit, moi je vais te faire écouter quelque chose de meilleur. Et il lui a récité le Coran, il a reconnu que c'était meilleur, et il est entré dans l'islam tout de suite. Il lui a demandé au prophète alayhi sallam de lui donner un signe de sa véracité. Nabi alayhi sallam a invoqué Allah, il lui a mis une lumière au début dans son front. Et après, il a demandé au prophète alayhi salam de changer l'endroit, de demander à Allah de changer l'endroit, parce que les gens, ils vont croire que yani, c'est une mutilation. Et ça, c'est un défaut. Il lui a dit que ce soit dans mon bâton. Effectivement, Allah l'a transformé dans sa canne. Dans sa canne. Et sa tribu a résisté beaucoup au début. Ils n'ont pas voulu l'islam. Et peu de gens l'ont suivi au début. Sa mère, son père et peu de gens de sa tribu. Et il a tellement fait d'efforts avec eux sans qu'il y ait de résultat que quand il est venu plus tard voir le Nabi A.S., il a demandé au prophète A.S. de faire du'a contre sa tribu car ils ont refusé l'islam, les Banu Daws. Et là encore une fois, le Nabi A.S. il a dit « Oh Allah, guide Daws. Oh Allah, Allahumma hadi Dawsan. » Il lui a dit « Retourne dans ta tribu et appelle-les à Allah et sois doux avec eux. » Effectivement, il est reparti encore une fois, il leur a fait da'wa, et pendant la conquête de Khaybar, il est venu avec plus d'une, ni presque une centaine de familles qui sont entrées dans l'islam et qui l'ont suivi. Il est venu avec eux tous quand il y a eu la conquête de Khaybar, et le Nabi Al-Sallam leur a donné à chacun une part comme ceux qui ont participé dans la conquête de Khaybar. Et ça, on l'a vu également. Également sont venus la tribu de Jarir ibn Abdullah al-Bajali, radiallahu anhu. Et avant qu'il arrive, Jarir ibn Abdullah al-Bajali, c'est un compagnon que le Nabi A.S. aimait beaucoup. Et lui-même, Jarir ibn Abdullah, il a dit, jamais le prophète ne m'a vu sans me faire un sourire. Yani, il a toujours vu le Nabi A.S. souriant. Il lui faisait le sourire à chaque fois il le voyait. Et ça, c'est le bon comportement de Nabi alayhi salam. Et Nabi alayhi salam a dit beaucoup de bien de Jarir ibn Abdullah avant qu'il arrive à Médine. Sur son chemin, Allah azza wa jalla a révélé des choses au sujet de Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Al-Bajali, il est de la tribu de Bajila, une tribu yéménite. Effectivement, il est venu, il est entré dans l'islam et il était accompagné de 150 hommes. Ils sont venus dans l'année 10 de l'Hégire, dans le mois de Ramadan. Et Jarir ibn Abdullah al-Bajali, il a une histoire intéressante. Je vais vous la citer. C'est que dans sa tribu, il y avait une idole qui s'appelle Dhul Khalasa. Une idole qui était très très vénérée dans le Yémen de manière générale, et c'était l'idole de la tribu de Jarir ibn Abdullah radiallahu anhu. Le Nabi Al-Sallam a dit à Jarir, il lui a dit, est-ce que tu peux m'apaiser de quoi je souffre par rapport à l'existence de cette idole qui est vénérée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il lui a dit, peux-tu m'apaiser de cela et me débarrasser de cette idole? Et de là, le Hafidh ibn Hajar a pris que shirk fatigue le Nabi alayhi salatu wa sallam. L'existence de shirk, ça fatigue le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il voulait être reposé, apaisé, yani, en éliminant cette idole. Et Jarir ibn Abdullah, il ne tenait pas sur le cheval. Quand il monte à cheval, il ne tient pas, il tombe. Il tombait, radiallahu anhu. Il a sorti cette excuse au prophète, alayhi sallam. Et Nabi alayhi sallam a invoqué Allah pour qu'il se maintienne sur le cheval. Et il a dit qu'il n'est plus jamais tombé du cheval. Radiallahu anhu. Effectivement, il est parti avec d'autres hommes et ils ont démoli l'idole de Dhul Khalasa. Et Nabi alayhi sallam a informé que avant l'arrivée de la fin des temps, cette idole sera vénérée à nouveau. Dhul Khalasa. elle sera vénérée à nouveau. Et de cette manière, les délégations n'ont cessé d'affluer sur le Nabi alayhi salatu wassalam jusqu'à l'année 10, de l'Hégire alayhi salatu wassalam. Ensuite, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a parlé, on a vu, le pèlerinage d'avant a été fait, yani le Nabi alayhi salatu wassalam avait désigné un homme parmi les Mekwas pour diriger le pèlerinage de l'année d'avant, l'année 8. L'année 9, celui qui va diriger les musulmans dans le pèlerinage, c'est Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu. Et Nabi alayhi sallam ne partira pas cette année pour le hajj. Est-ce que le hajj était déjà prescrit comme une obligation de l'islam? Et Nabi alayhi sallam n'est pas parti avec une excuse valable, comme l'excuse que je vous avais citée, ou la sagesse, c'est que les Arabes, Quraysh, ils avaient l'habitude de changer les mois. Quand c'était un mois sacré, ils voulaient combattre une tribu, ils changeaient le nom du mois. Ils disent, on va avancer le mois, par exemple, Shawwal, et retarder Rajab. Et selon cet avis, ça s'est rapporté authentiquement. Et l'année 10 dans laquelle Nabi Issa sallam a fait le pèlerinage d'adieu, le seul et l'unique dans l'islam pour lui, les mois étaient revenus comme quand Allah Azzawajal les a créés. Yani dans l'ordre dans lequel Allah Azzawajal les avait créés. C'est pour ça que Nabi Issa sallam, parmi les sagesses, il a retardé le pèlerinage jusqu'à cette année où les mois sont redevenus comme quand Allah Azzawajal les a créés. Et ça c'est rapporté d'une manière authentique, cette sagesse. Il y a des savants qui disent que le hajj n'a été prescrit que dans l'année 10, l'année dans laquelle Nabi alayhi sallam a accompli le pèlerinage. Et qu'avant, c'était, il n'y a pas une obligation de l'islam. C'était pas une obligation de l'islam. D'autres, non, ils disent non. Il a été prescrit dans l'année 8. C'est pour ça que Nabi alayhi sallam a choisi un homme pour diriger les gens dans le pèlerinage, parce que lui, il ne pouvait pas le faire. Et l'année suivante, il a désigné également Abu Bakr, parce qu'il ne pouvait pas le faire. Et l'année 10, c'est lui qui l'a fait. Et c'est le pèlerinage d'adieu du prophète, alayhi salatu wassalam, son unique pèlerinage dans l'islam. Et dans le pèlerinage de Abu Bakr Siddiq, qui a eu lieu dans l'année 9 de l'Hégire, qui était le dirigeant des musulmans dans ce pèlerinage, il est sorti, radiyallahu anhu, avec 300 hommes parmi les compagnons de Médina pour faire le hajj. Et après la sortie de Abu Bakr al-Siddiq, Allah a révélé sourate al-Tawbah. Et il a demandé à Ali de rejoindre Abu Bakr al-Siddiq dans le hajj et de lui demander de réciter aux gens sur la Tawba, dans laquelle il y a le désaveu des associâtres et des païens et des polythéistes. Et il lui a dit d'ordonner à Abu Bakr de dire aux gens que à partir de cette année, plus aucun associâtre n'accomplira le pèlerinage. Il n'accomplira le pèlerinage que les monothéistes, que le mouahidoun, et que plus personne ne fera le pèlerinage nu, le tawaf autour de la Kaaba nu. Parce qu'avant, ceux qui voulaient faire tawaf et qui n'avaient pas les moyens pour acheter les vêtements que vendaient Quraysh, ils étaient obligés de le faire nu. Ils avaient une croyance en cela. Si tu le fais pas avec les vêtements que tu as achetés chez Quraysh, alors tu dois pas le faire avec d'autres vêtements, mais tu le fais nu. Et même les femmes, elles faisaient ça, elles faisaient tawaf nu, certains d'entre elles. C'est pour ça elles cachaient leurs parties intimes. Et dans certains poèmes qui sont rapportés, elles disaient « Al-yawma yabdu kulluhu aw julluhu, wa ma bada minhu fala uhilluhu. » aujourd'hui apparaîtra de ses parties intimes une partie ou la totalité, et ce qui apparaît, je ne l'autorise pas. Je n'autorise pas à ce que les gens le regardent, ce qui apparaît de ses parties intimes. Et ça, c'est l'ignorance dans laquelle était le mouchriquine avant. Alhamdulillah, qui nous a accordé le ni'ma de l'islam. Alhamdulillah sur la ni'ma de l'islam. Donc, Nabi Isa al-Salam a avec tous les hommes qui étaient liés au prophète Isa al-Salam avec des pactes, ceux qui avaient des pactes avec Nabi Isa al-Salam, toutes les tribus, sans exception, parmi les mouchriquines, bien évidemment, tous ceux qui avaient des pactes avec Nabi Isa al-Salam et des trêves, il leur a donné un délai de 4 mois, et après le pacte sera interrompu et annulé. Et ceux qui avaient un pacte jusqu'à une durée déterminée, il y a un délai bien précis, que le pacte allait continuer jusqu'à la fin du délai. Mais ceux qui avaient un pacte et une trêve sans délai, cela, ça a été limité à 4 mois. Comme ceci est révélé dans Sourate At-Tawbah, dans Sourate At-Tawbah, qui est appelée également Sourate Bara. Et comme je dis, les délégations n'ont cessé d'affluer sur le Nabi alayhi salam en grand nombre, jusqu'à ce que les savants ont cité plus d'une centaine de délégations qui est venue cette année, pendant ces 2 années, l'année 9 et l'année 10. Comme Allah Azza wa Jal a décrit dans Sourate Nasr, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Lorsque viendra le secours d'Allah annonçant la victoire, et que tu verras les hommes entrer dans la religion d'Allah en foule, rends gloire alors à ton Seigneur, célèbre ses louanges et implore son pardon, car il est tout absoluteur. Et cette sourate a annoncé au prophète alayhi sallam sa mort proche. Et ensuite, Nabi alayhi sallam a envoyé des messagers à tous les rois de la terre. À tous les rois de la terre. Et la parole d'Allah est devenue la plus haute. Et la parole, et l'islam s'est propagé. Et ensuite, l'imam ibn Kathir parlera du pèlerinage d'adieu. Le pèlerinage d'adieu qui a été fait par le Nabi alayhi salatu wassalam, on va le reporter jusqu'au prochain cours, et on parlera de ce pèlerinage d'adieu. L'imam ibn Kathir l'a décrit dans les détails, et ensuite, il a parlé de la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Il a parlé de la mort du prophète alayhi salatu wassalam. On verra ces 2 points. Et si le temps le permet, et Allah Azza wa Jalla avant tout le permet, on avancera jusqu'à finir ce livre bi'idhnillahi ta'ala. Voilà pour aujourd'hui. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous la science bénéfique et profitable, et de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables, de nous accorder la sincérité et la véracité dans les paroles et les actes, et de nous aider à réformer notre apparence et notre intérieur, et de nous maintenir sur l'unicité pure et la sunna authentique du prophète alayhi salatu wassalam, jusqu'à prendre nos âmes. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.